comptons les autres à sous Radio Campus Grenoble. Nous en direct depuis l'école architecture à Grenoble. Vous avez pu joindre nous à sous fréquence 98 Balouverti Studio Radio. On continue notre journée un petit peu spéciale, tous ensemble, autour de cette table du studio radio de l'école d'architecture de Grenoble. Et on a beaucoup parlé, en fait, finalement, ce matin et à midi, d'un fameux Tim Ingold. Et du coup, j'ai l'honneur d'accueillir pas mal de gens autour de la table, mais je vais pas introduire tout le monde, je vais juste réintroduire Nicolas Tixier, qui est professeur ici à l'école d'architecture de Grenoble. Et je vais lui laisser la parole pour introduire ce beau plateau. Merci, merci Théo. Donc je suis accompagné pour l'animation de cette émission autour, effectivement, de cette personne, Tim Ingold, dont on va vous présenter un tout petit peu pourquoi il nous paraît si intéressant. Je suis accompagné de Marc Higgin. Marc est anthropologue, ingénieur de recherche au CNRS, membre du Cresson, et il nous expliquera aussi son lien avec Tim Ingold. Bonjour. Alors cette émission est effectivement une prolongation d'un dialogue mené depuis quelques années avec Tim Ingold, cet anthropologue écossais d'Aberdeen, qui est une personne merveilleuse pour ceux qui ont eu la chance de lire ses travaux, et pour ceux qui ont eu la chance aussi de le rencontrer, c'est quelqu'un qui est merveilleux de gentillesse. Tim Ingold, son travail nous invite à transformer radicalement notre regard sur le monde en nous ouvrant à l'apprentissage d'autres cultures et à l'expérimentation de nouvelles manières d'habiter. Ce que, en gros, est aussi le travail de tout anthropologue. Mais il a d'autres spécialités. Il participe, avec d'autres chercheurs, à une prise en compte des dimensions sensibles du monde. L'Université Grenoble-Alpes lui a décerné un doctorat honoris causa en 2022. Et pour sa venue, il a donné une conférence à l'école d'architecture de Grenoble intitulée « Architecture educates ». La traduction française est très dure, l'architecture éduque, on comprend bien que ça ne marche pas très bien. Ouais, ça nous a pris un long moment pour trouver le bon, alors, bon terme. Alors, comment on a fini par traduire Architecture educates par au contact de l'art, puisque son travail, vous le verrez, questionne autant la fabrique de l'habité que la fabrique artistique du monde. Alors, cette conférence, on a pu l'éditer en bilingue, en association avec l'école d'art d'Annecy, dans un tout petit livre qui est disponible ici à l'école. Dans les 40 minutes qui suivent, nous aurons l'occasion de découvrir une partie de son travail, d'écouter ce monde du vivant associé au monde de la création, pour lesquels il développe une attention originale. Nous accueillerons aussi deux jeunes docteurs dont la thèse porte sur le faire et sur la matière et dont le travail résonne fortement avec les approches de Tim Ingold. Et puis, au cours de cette présentation, nous aurons une lecture qu'on vous présentera après. Marc, peut-être peux-tu préciser qui est Tim Ingold et pourquoi sa pensée est si intéressante quand on s'intéresse à l'habité et à l'environnement. Ouais, je vais essayer. Alors, Tim Ingold fait une licence à Cambridge en sciences naturelles dans les années 70, fin des années 60, début des années 70. Et après, il rejoint le département d'anthropologie sociale, où il entame son apprentissage avec une communauté Sami du nord-est de la Finlande, qui va devenir la base de sa thèse et de son premier monographe ethnographique, qui s'appelle Skolt Lapse Today, qui était publié en 1976. Il est devenu maître de conférence à Helsinki et puis à Manchester, où il a passé 20 ans. Il s'intéresse aux questions d'écologie humaine, de l'organisation sociale et de la technologie, ainsi qu'aux relations entre humain et animal. Il développe une anthropologie qui refuse la scission entre les sciences sociales d'un côté et les sciences naturelles de l'autre, sans pour autant tomber dans le déterminisme, soit biologique, soit culturel. Comme étudiant, j'ai suivi un chemin assez semblable. Après avoir obtenu mon diplôme en biologie et en psychologie évolutionniste, j'ai travaillé sur des projets de recherche sur les chacals et les babouins dans leur milieu naturel en Namibie. Assez vite, je me suis aperçu que les modèles quantitatifs que j'étais en train de construire m'intéressaient beaucoup moins que le travail du terrain, toute la réalité tendue de vivre au quotidien avec ces animaux, de trouver le moyen de m'approcher assez près pour voir ce qu'ils étaient en train de faire, pour comprendre leur comportement. Cela signifiait tout un apprentissage, de découvrir, parfois de manière tout à fait terrifiante, comment chaque babouin me percevait la relation qui se tissait entre nous. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre à les lire, mais aussi d'apprendre à lire la manière dont eux me lisaient. Cette dimension négociée de travail de terrain, c'était ça qui me fascinait. Je me retrouvais tout à fait à la limite de ce que Philippe Descola appelle une cosmologie naturaliste dans laquelle j'ai été formé, avec sa séparation stricte entre les mondes humains et celle du non-humain, des animaux. Je n'avais pas du tout le vocabulaire pour prendre au sérieux toutes ces relations sociales qui se nouaient entre ces animaux et moi. De retour en Angleterre, une amie m'a tendu quelques chapitres photocopiés, tirés de Perception of the Environment de Timingold. Et tout un autre chemin est apparu. Alors ce livre est paru en l'année 2000. C'est un livre très très important à la fois en anthropologie, mais aussi en archéologie, en géographie, dans toutes les sciences sociales et humaines en Angleterre. Et là-dedans, il explore les liens entre la perception de l'environnement, les savoir-faire pratiques et l'apprentissage, en nous donnant tout un vocabulaire du social qui ne fait pas cette séparation entre l'humain et son milieu de vie. Et avec ça, tous les animaux, les plantes, les éléments qui l'entourent, avec lesquels les humains, nous, faisons toujours monde. Durant toute sa carrière, Timingold a développé une anthropologie qui remet profondément en question les définitions héritées de la connaissance occidentale, nous invitant à considérer le monde non pas comme un objet à connaître et à contrôler, mais comme un milieu avec lequel nous devons apprendre à correspondre. Pour cela, Timingold se fie beaucoup plus au monde tel qu'il se fait entendre, ce qui vient par l'oreille, qu'à celui qui se donne à voir, c'est-à-dire un monde en mouvement, une polyphonie en variation perpétuelle, et nous, emportés dans son rythme. Alors là, on va écouter un extrait d'un artiste, un peintre hollandais, qui s'appelle Knut Victor, d'un album qui s'appelle Les Éphémères. Le son va en avant. Et en arrière, pas sur les côtés. Ce sont les plus mélodieux de tous les criquets. La vigne chante. en 2023, dans le cadre de la Biennale d'architecture de Venise, nous avons eu la chance de créer un événement qui s'est appelé Radio Utopia pendant une semaine au mois d'août pour faire sonner le pavillon des sons du monde. Nous avons demandé quelques mois avant à Tim Ingold s'il acceptait un entretien, de faire un entretien pour pouvoir nous dire ce qu'il entendait plus exactement sur l'écoute. Tim Ingold a accepté. Et nous avons proposé à Anne-Cécile Bory, qui est documentaliste à l'École d'architecture de Grenoble, de lire ce texte inédit que Tim Ingold nous a donné et qui s'intitule « Qu'entendons-nous réellement lorsque nous parlons de son ?» Si l'on pose la question à un physicien, il répondra que le son se compose d'ondes mécaniques longitudinales transmises dans un milieu, comme l'air, depuis une source vibratoire jusqu'à un receveur, notre oreille par exemple. Dans cette acception physicienne, le son existe sans la présence d'une oreille pour le capter. Le son n'est qu'une vibration mécanique, émise dans un intervalle de longueur d'onde donnée. Mais si l'on interroge un psychologue, il donnera peut-être une toute autre réponse et arguera que le son est ce que l'on entend. C'est un phénomène qui s'imprime sur notre esprit, résultant de l'afflux de signaux sensoriels des oreilles vers le cerveau. Le son naît dans le cerveau, il n'a pas d'existence propre. Nous nous retrouvons ainsi confrontés face à deux définitions du son. Phénomène purement physique d'un côté, purement mental de l'autre. Or, l'une comme l'autre repose sur une distinction assez rigide entre le monde physique, ce qui nous entoure, et le monde mental ou psychologique, ce qui est en nous. Comme s'il y avait une frontière fondamentale entre l'esprit et le monde. Pourtant, il me semble que ça ne correspond pas à notre expérience, car le son est avant tout un phénomène de l'expérience, quelque chose que nous percevons. Lorsque nous écoutons un son, ce que nous entendons, c'est en quelque sorte notre propre perception. Son et oui se rejoignent ici. L'ouïe n'est pas une sensation mentale intérieure, mais ce qui se produit lorsque la frontière entre l'esprit et le monde se dissipe. Sur cette question, les philosophes font souvent un recours à une expérience de pensée. Imaginons un arbre, arraché lors d'une tempête, qui s'abat violemment au sol. La question est la suivante. L'arbre qui tombe produit-il un son si personne n'est là pour l'entendre? Selon les positions présentées ci-dessus, le physicien répondra assurément oui. Il produit un son puisque les ondes sont émises. Le psychologue, lui, répondra non. Il ne produit aucun son, car personne, aucun esprit n'est là pour capter les ondes et traduire l'information en son. Mais que se passe-t-il si, au lieu de nous livrer à ces expériences de pensée abstraites, nous nous projetons dans cette forêt, au plus fort de la tempête, lorsque l'arbre tombe? À ce moment où le tronc frappe le sol, nous nous retrouvons, même malgré nous, complètement absorbés par cet événement. Nous ressentons ce choc, ce grondement, au plus profond de nos entrailles. Nous percevons ce son assourdissant qui nous inonde, comme si l'espace d'un instant, l'arbre et nous n'étions plus qu'un face à cet événement extraordinaire. Le son qu'émet l'arbre n'est pas un message qui se propage dans l'air jusqu'à nos oreilles et auquel nous répondons « Oh, c'est sûrement un arbre qui vient de tomber ». Non, en entendant le son, nous devons non acteurs de l'événement lui-même. Un événement doté d'une durée propre dans la réalité temporelle de notre expérience. Il faut donc distinguer deux acceptions du mot son, ou disons deux lignes de son. Il y a tout d'abord la ligne de transmission, qui relie la source au receveur. Nous pourrions nous la figurer par une ligne droite, tracée de l'un à l'autre, et ajouter qu'un temps donné est nécessaire pour que les ondes parcourent cette distance, puis un certain temps encore pour qu'elles soient captées par l'oreille et transmises au cerveau, et ainsi de suite. Mais il ne s'agit là que d'une seule ligne de son. L'autre ligne concerne l'évolution sensible du son dans notre perception, notre conscience. Et c'est cette ligne de son-là qui m'intéresse. La description du son qui naît lorsque notre propre perception rencontre et se fond en temps réel dans le déroulé d'un événement cosmique. Dans cette logique, je dirais que le son n'est ni physique, ni mental, mais atmosphérique. C'est pourquoi je propose que nous considérions le son comme un phénomène d'atmosphère, la face cachée de notre expérience auditive. Quelles explications en résultent-ils pour notre conception de l'oreille et du corps? L'oreille ne peut plus être considérée comme un simple organe récepteur qui capte les signaux émis par une source et les transmet au cerveau, où ils sont analysés et interprétés. Elle est le signe manifeste de l'attention du corps tout entier qui se trouve, en quelque sorte, en état d'éveil auditif, alerte à tout ce qui peut se passer autour de nous. Plutôt qu'un corps doté d'oreilles, nous pourrions parler d'un corps-oreille. Le corps tout entier est alors une sorte d'antenne qui se projette et se prête au déroulement des événements tandis que la tempête fait rage. Et donc, plus autant question à envisager en termes anatomiques que comme une masse d'affect. Prenons ce célèbre passage de la tragédie de Shakespeare, Jules César, dans lequel Marc-Antoine prononce son adresse. Il monte sur l'estrade et lance « Amis, Romains, compatriotes, prêtez-moi vos oreilles ». À l'évidence, il ne demande pas à son auditoire de se couper les oreilles pour les lui remettre. Par « prêtez-moi vos oreilles », il faut comprendre « donnez-moi une voix ». Autrement dit, que les paroles que je prononce soient entendues. Par ces mots, Marc-Antoine demande à ceux qui lui font face d'étendre leur attention auditive jusqu'à lui, afin qu'il puisse avoir une voix et que celle-ci puisse être entendue. Il me semble que ce jour-là, quelque chose de tout à fait essentiel, car cela montre que nous contentons pas de consommer les sons, de les capter et de les interpréter, nous sommes aussi complices de leur production. Mais plus avant, en nous tournant vers le monde qui nous entoure, en lui prêtant notre oreille, nous lui donnons de fait une voix. Par conséquent, lorsque nous écoutons les sons de la nature, ce n'est pas une façon pour nous de nous prendre possession du monde, c'est au contraire une façon pour le monde de prendre possession de nous. Par l'écoute, nous prêtons notre oreille à ce qui se passe et ainsi donnons une voix à la nature même. Revenons-en à présent à notre parabole de l'arbre qui tombe. Bien sûr, l'arbre n'a pas de voix propre, il n'a pas de corde vocale et pas non plus d'oreille. Ce n'est qu'un arbre, mais en prêtant oreille à l'arbre qui tombe, nous lui donnons une voix qui n'aurait pas autrement. Et je crois que c'est là que réside véritablement le sens du son. Le son est le moyen par lequel, en nous ouvrant auditivement au monde, nous nous laissons posséder par lui. Et ce faisant, paradoxalement, nous lui donnons une voix pour qu'il puisse nous parler. Voilà, il s'agissait d'un deuxième extrait du travail sonore de Knud Victor, cet artiste, peintre à l'origine, puis on va dire compositeur et surtout preneur de son, qui presque toute sa vie s'est consacré à l'enregistrement du lieu où il est venu habiter, le Luberon. Il en a produit quelques disques merveilleux, dont un qui s'appelle « Symphonie du Luberon ». Mais avant de produire cette symphonie du Luberon, il a eu une commande par Louis Dandrel, qui venait de prendre la direction de France Musique. On est au milieu des années 70. Louis Dandrel commence par ajouter un S à musique, pour ouvrir la radio à toutes sortes d'expériences auditives. En demandant à Knut Victor de produire ce qui s'est appelé des éphémères, c'est-à-dire des virgules sonores de quelques minutes, donc on est un peu plus que sur une virgule, c'est entre une minute et demie et trois minutes selon, de façon à pouvoir les intercaler entre les émissions le temps d'un été. 60 virgules ont été commandées à Knut Victor, il en a réalisé 48, je crois, qui viennent d'être rééditées dans un très beau disque que l'on peut acheter en vinyle ou trouver, bien sûr, sur les plateformes sur Internet. Ce travail sonore de Knut Victor est assez passionnant puisqu'il se situe dans une intersection originale entre la question du paysage sonore de Murray Schafer et celle de l'objet sonore de Pierre Schafer, en s'intéressant véritablement à ce qui est le plus proche d'une écoute du monde qui nous entoure. Revenons maintenant à Tim Ingold. Tim Ingold a aussi développé une proposition sur le fer. Dans un de ses ouvrages parus en France en 2017, qui s'intitule « Fer, anthropologie, archéologie, art et architecture », il propose, comme d'autres pensées pragmatistes avant lui, d'aller à rebours de ce qu'habituellement nous entendons par projet. En général, quand on fait un projet ou quand on pense projet, on a une idée en tête et on cherche à mettre en place les conditions et les matériaux pour la réaliser, en définissant en général un début, une fin, des étapes, des protocoles, des temps de fabrication de cet artefact. Ingold propose de penser le projet comme un processus de croissance, comme quelque chose qui s'inscrit dans une vie bien plus grande qu'uniquement le temps de ce qu'on appelle habituellement projet. Un processus qui aurait commencé avant nous et qui continuera après nous, et où l'agent, ou nous, on est situé au milieu de notre matière de travail, de cette matière à former notre environnement, et où le fer, en s'unissant avec les forces et les énergies déjà présentes sur le site, dans une matière, dans un groupe social, nécessite de s'engager auprès de cette matière. Ainsi, pour Ingold, l'esprit n'a plus rien du planificateur souverain. Au contraire, il doit observer, tâtonner, improviser. La matière n'est jamais inerte. Elle vit, résiste, évolue. Le praticien, artiste, architecte, qu'importe, se met à l'écoute des matériaux qu'il travaille, s'ouvre à leur potentialité. Tantôt il guide, tantôt il se laisse guider par lui. C'est une sorte de dialogue ininterrompu, une danse de l'animé, comme Ingold le dit dans son livre. Afin de faire un flux de force et d'énergie combiné, un processus de croissance qui mène à l'émergence de formes. Pour Ingold, savoir, c'est toujours faire. Et inversement, c'est examiner et s'instruire au plus près du grain des choses. Nous avons deux invités qui chacune travaillent une thèse en architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Thèse qui interroge la fabrique architecturale par l'importance justement du fer. Je vais commencer avec vous, Amal Aboudaya. Vous êtes architecte, vous êtes en train de terminer une thèse au sein de l'équipe Cresson du laboratoire Ambiance Architecture Urbanité et vous enseignez comme maître de conférence à l'école d'architecture. Vous avez dans votre travail, tout comme Tim Ingold, développé fortement la notion d'expérience sensible, avec en particulier une notion, la notion d'ambiance, et sur laquelle, par l'expérimentation, vous testez sa valeur, ce qu'on a éprouvé, sa place. Le titre de votre thèse est le suivant. le prototype architectural à l'ère numérique. Un nouvel outil conceptuel et opératoire pour une mutation disciplinaire. Comment voyez-vous, peut-être, ce travail de Tim Ingold sur la matière et la notion d'expérimentation que vous proposez? Peut-être pouvez-vous nous décrire un tout petit peu ce qui vous préoccupe dans cette thèse. Merci. Alors, je vais commencer en résumant un petit peu le travail de la thèse. Donc, déjà, le cadre de cette recherche se situe à l'endroit de l'ère numérique, comme l'indique le titre, la transition numérique de l'architecture. Donc, l'émergence des machines à commande numérique associées aux outils de modélisation paramétrique instaure aujourd'hui un continuum de conception, fabrication, expérience qui introduisent la matérialité aux prémices de la conception, tout offrant ainsi une ambiance à éprouver et à percevoir. Dans ce contexte, je souhaite éclairer l'évolution, la révolution de la notion de prototype en architecture et son rôle dans le processus de conception ou de création. Je me pose les questions suivantes. Comment et selon quelle modalité une forme de pensée se transforme et où est constitutif d'une forme de fabrication? Comment la transition numérique de l'architecture en cours impacte-t-elle la discipline architecturale? La notion de prototype à l'ère numérique recouvre-t-elle un nouvel objet? Est-il en rupture ou en continuité avec ce qui est nommé classiquement maquette dans le champ de l'architecture? Comment la matérialisation techno-orientée de la pensée est-il une conceptualisation en acte ou la créativité en acte, pour citer Tim Ingold, qui bénéficie par la réalité physique des artefacts produits ou d'un feedback perceptuel. Donc, en tant que maîtresse de conférence en théorie en TPCAU, et les corpus de ma thèse s'appuient donc sur un cadre pédagogique, plus précisément une pédagogie expérientielle associée à une pratique d'expérimentation que je développe en cycle master avec une équipe pluridisciplinaire qui intègre le prototype comme outil, comme méthode de pensée et de conception. Donc je définis ce prototype architectural comme une expérience de pensée, une expérience matérielle et une expérience sensible. Une expérience de pensée parce qu'au plan cognitif, le prototype est une expérience de pensée, c'est-à-dire le passage de l'espace conçu à l'espace vécu. Il y a un enjeu de définition d'une problématique de programmation. Quand on programme un prototype, on se pose la question de qu'est-ce que je teste, qu'est-ce que je vais faire comme expérience, quel est l'enjeu de cette expérimentation. Pour une expérience matérielle, c'est un processus de morphogenèse donc constructif et le fait de vouloir faire un prototype oblige à définir des questions de mise en forme. Le fait de réaliser est une expérience en soi. Quel matériau j'utilise? Comment je mets en œuvre? Et enfin, pour l'expérience sensible, au plan sensible, le prototype engage une expérience immersive, donc une ambiance à vivre et un rapport à l'usage. L'enjeu du prototype, c'est un feedback perceptuel avant d'être une preuve technique. C'est une expérience esthétique, une expérience corporelle. Comment je mets en forme, comment je vis cet espace, quelle qualité du vécu en termes d'ambiance. Le prototype permet la prise en compte et l'intégration donc de la matérialité, des outils, des situations et de la perception. Selon les cas, on expérimente, on explore, on éprouve la dimension physique et matérielle, la dimension mécanique et constructive, la qualité sensible et esthétique, ou enfin la qualité spatiale et l'ambiance. Les champs créatifs comme la discipline architecturale sont caractérisés par la fabrication et le fait de manufacturer des objets pour la réflexion et l'évaluation, et non plus seulement pour de la représentation. L'activité de prototypage génère une activité de recherche et d'exploration, à la fois formelle et matérielle, technique et instrumentale, perceptive et esthétique, en configurant une situation spatiale à éprouver. Les retours d'évaluation permettent les itérations nécessaires au développement des projets pour une optimisation qualitative ou quantitative. Le prototypage repose ici sur le développement d'un désir d'expérience physique et sensible et renvoie à la production d'artefacts premiers d'une architecture à venir, une architecture en devenir. Dans le cadre pédagogique de recherche de la thèse, j'ai développé et mis en place un outil de recherche en design pour l'enseignement expérientiel et l'expérimentation que j'ai nommé avec un acronyme, donc petit clin d'œil à Tim Ingold qui fait la critique des acronymes qui nous envahissent, mais c'est quand même pratique. Donc cet acronyme c'est LEICA, L-E-I-C-A, et ça veut dire l'espace immersif de conception architecturale. Donc c'est un outil pédagogique de recherche en conception installé à l'ENSA de Grenoble et développé dans le cadre de la chaire Digital RDL au sein du Digital Research by Design Lab, donc un laboratoire et espace de fabrication numérique dédié au Master Architecture, Ambiance et Culture Numérique. LEICA s'inscrit dans un processus itératif au sein de Digital RDL. Donc c'est un espace de 5 mètres de large, 7 mètres de long, 3 mètres de haut, à côté de l'atelier de projet où les étudiants peuvent venir et tester et faire de l'expérimentation. Donc de la conception à la fabrication, de l'expérience à la réconception des projets architecturaux dans un contexte pédagogique. Merci. Ce que je trouve passionnant dans ce travail est à deux niveaux. D'abord, c'est de mobiliser la notion d'expérience plus que d'expérimentation, de façon où le temps de l'expérience est véritablement le temps de l'apprentissage réciproque, presque on pourrait dire, entre une matière et une personne. Et puis, c'est le fait de créer un cadre pour ça, c'est-à-dire un espace-temps dans lequel, en fait, on ne sépare pas le savoir du faire et dans lequel les choses s'expérimentent et se discutent au même endroit. Et ça, je crois que c'est assez important dans la pensée de Tim Ingold et d'autres précurseurs avant lui. On peut penser à William James, à John Dewey, etc. Ces gens qui ont essayé de réconcilier la pensée, le savoir et le faire dans des expériences collectives qui incluent aussi une part de créativité. Et cette part de créativité dans vos travaux, et peut-être vous pouvez enchaîner sur quelques éléments là-dessus, je l'ai trouvé aussi dans le fait que vous faites un retour sur les outils. C'est en gros, les outils qui permettent de penser l'architecture et de la fabriquer, eh bien, ne sont jamais idéalement conçus pour ce que l'on a envie d'éprouver ou pour la matière qui nous résiste. Et donc, vous avez aussi tout un travail de conception sur la transformation des outils. Et ça, je trouve que c'est très intéressant que la conception architecturale ne soit pas uniquement dans l'objet final, mais bien dans un cadre de production et dans un cadre même de fabrication. Oui, tout à fait. Le fait que les deux espaces sont côte à côte fait qu'il y a vraiment cet aller-retour qui est si cher justement à Tim Ingold entre conception et faire. On n'est pas juste dans un espace théorique puis dans un espace de fabrication. Il y a vraiment les deux qui s'informent. Et cette expérience, justement, qu'on peut vivre à l'échelle corporelle, qui est incarnée, incorporée, du coup, va réinformer finalement ce qu'on dessine et modifier. Donc on n'est pas dans un cadre de conception avec un but déterminé, avec un produit à la fin. On est vraiment dans un espace-temps de création qui est ouvert et aussi où cette notion de serendipity est très présente parce que justement en faisant, en testant, on peut découvrir des choses qu'on n'a pas imaginées auparavant. Avez-vous un anecdote ou ce moment de surprise de où le matériau s'est imposé d'une manière qui a vraiment dévié un projet en devenir? Pardon pour cette question un peu de nulle part. J'ai pas une anecdote spécifique, mais ça arrive régulièrement que les étudiants testent des choses. Donc les choses qu'on peut tester, par exemple, sont l'enveloppe du bâtiment et comment elle est perçue, etc. Donc on va tester à différentes échelles et finalement on va choisir un motif ou une échelle qu'au départ on n'aurait pas imaginé. Dans un prototype spatial, par exemple, on va essayer de tester différents degrés d'inclinaison d'une paroi, etc. On ne sait pas où on va, mais on va arriver à des des solutions que finalement on n'imaginait pas au départ. Ouais. Et aussi, on a parlé à un moment donné, je pense, d'individuel collectif aussi. Et je pense que cette activité aussi d'expérimentation, pédagogie expérientielle, fait que aussi, on peut tester à plusieurs. On a aussi le retour des collègues pour les étudiants. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très riche. Merci. Vous avez, en dehors du fait que vous travaillez sur le fer et sur la matière, avec notre seconde invitée qui est Nuria Alvarez, vous avez toutes deux un point commun qui est à la fois triste mais qui était constitutif de vos travaux, c'est que vous êtes dirigée par Grégoire Chelkoff, architecte, un des membres fondateurs du Cresson, qui malheureusement est décédé au mois de juillet. Et nous ferons une émission de radio autour justement des apports de Grégoire. Nuria, vous êtes aussi architecte, alors diplômée de l'École technique supérieure d'architecture de Barcelone, et puis vous êtes venue faire un diplôme supplémentaire ici à Grenoble sur l'architecture de terre, ce qui nous permet de citer une des autres équipes de recherche de l'école, le laboratoire AESSC, qui a une équipe qui s'appelle Crater, dont le nom dit bien leur objet de travail. Et puis vous êtes venu au Cresson pour articuler un petit peu ce travail sur la terre, mais avec une approche peut-être sensible. Que nous disent nos sens? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous manipulons? Et donc le titre de votre thèse, elle a été soutenue l'année passée, donc elle est quand même très récente, c'est « Concevoir à l'état brut, la fonction tactile » et les matières premières pour contextualiser l'architecture. Du coup, bonjour tout d'abord. Je pars du coup dans cette recherche du contexte de mutation écologique que nous vivons aujourd'hui, qui nous amène à cette crise spirituelle où l'être humain semble s'abstraire de plus en plus de son propre milieu. Et par extension, un grand nombre de ses créations, dont l'architecture, semble être considéré aujourd'hui comme hors sol et déraciné. Et du coup, pour explorer les voies de reconnexion possibles par le sensible, la recherche se situe dans l'étude de deux points faibles de notre cosmologie moderne occidentale, dont une, c'est le toucher, où je m'approche du coup des études du fer de Timingold, et aussi un lien avec les matières premières. Plusieurs constats et hypothèses sous-tendent ces travaux. Tout d'abord, les machines d'aujourd'hui créent des matériaux qui ne racontent pas d'histoire, ni celle de son origine, ni celle de leur fabrication par l'être humain. Et ces matériaux sont produits en série et les formes et les textures de nos espaces bâtis semblent se répéter aussi et n'attirent pas notre sensorium au-delà d'un regard superficiel ou distancié. Et du coup, si on observe l'architecture vernaculaire, chose que j'ai fait avec l'équipe Crater, l'autre équipe de l'ENSAG, on voit que ces architectures reflètent comme un miroir le territoire où elles s'inscrivent, les couleurs, les formes, les matières, les textures. Et du coup, dans cette recherche, sans vouloir préconiser un retour en arrière ni aux architectures vernaculaires comme un modèle à suivre, on se demande comment, je me demande avec Grégoire, on se demandait comment on renoue avec certaines de ces forces des architectures vernaculaires. Et du coup, d'un autre côté, dans notre culture occidentale, la préoccupation première de la conception, c'est toujours liée à ce que l'on donne à voir. Et en contraposition à ces constats, l'étude du toucher et de la perception tactile peut ouvrir de nouveaux horizons fermés par cette hiérarchie de la vue. Et du coup, pour résumer, c'est un contrepoint de cette tendance à l'abstraction que je viens d'évoquer. Comment l'utilisation des matières premières et la mise en avant d'un rapport tactile et plus direct au monde peuvent-ils être des alliés pour créer des espaces architecturaux qui réaffirment une meilleure liaison au corps et réamorcer une génie des milieux, des lieux. Mais justement, ce qui est aussi à la fois étrange et passionnant dans votre profil, c'est que vous avez un collectif de théâtre qui s'appelle Terron, je crois. Oui, le collectif Terron, oui. Et ce collectif, il expérimente quasiment votre thèse à l'intérieur de ce qu'il propose. Vous pouvez dire un peu plus, parce que là, on est dans ce qu'on pourrait appeler dans des relations proches entre recherche et création. Exactement, la thèse développée se développe dans cette méthodologie de recherche-création où il y a des expériences que j'ai appelées tactiles qui sont des propositions sensorielles et spatiales en utilisant les matières premières comme la terre, le chanvre ou le bois. Et cette exploration par ces créations tactiles fait advenir de nouvelles formes de pensée. C'est précisément ce qu'on explore avec le collectif Terron, où on alterne ces périodes de création et de réflexion. C'est-à-dire qu'on se met dans une salle de théâtre, on amène de la matière et on commence à jouer, entre guillemets, avec la matière, voir ce qu'elle propose comme image, comme expression. Et on se base vraiment notre dramaturgie, on l'appelle dramaturgie de la matière, parce qu'on essaye de voir ce que la matière nous propose pour tirer le fil de ses expressivités. Alors, Marc, Oui, j'avais juste une question sur le travail de terrain qui se faisait à côté de ce travail au sein du collectif et du théâtre. C'est avec qui que vous avez parlé en termes d'interlocuteur, interlocutrice qui travaille avec le matériau? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner un peu à entendre? Oui, dans la recherche et le collectif Terron, il y a eu toute une série de témoignages d'artisans et artisanes pour connaître quels étaient d'abord, comment ils avaient choisi la matière prédilecte qu'ils travaillaient, et aussi comprendre quelle était la relation entre l'humain et la matière. Et aussi, pour aller plus loin, quelle agentivité avait la matière, c'est-à-dire quel pouvoir de décision dans leurs œuvres donnait la matière qu'ils travaillaient. Tu me racontais une fois que assez souvent, ce n'était pas la personne qui choisissait la matière, mais la matière qui choisissait la personne. Exactement, il y a une vanière Triévoise du Trièvre qui disait qu'elle venait d'un parcours de chercheuse en écologie. Elle en avait marre d'être devant les ordis et de faire des rapports. Elle disait que personne lisait, qu'il restait sur une table. Elle voulait passer à... je prends ses paroles, c'est pas que... Mais du coup, en voyant en fait que le monde s'effondrait, qu'en vrai, elle pouvait pas faire grand-chose, elle est passée chercher un travail manuel. Elle a commencé par la poterie. Et du coup, en pensant que voilà, je vais faire de la poterie. Et elle s'est rendue compte que c'était pas, en touchant la matière, c'est pas quelque chose qui l'attirait. Et ensuite, dans un stage de vannerie, elle est tombée amoureuse de l'osier. C'est elle qui cultive son propre osier et actuellement, et voilà, c'est son nouveau métier. Alors, justement, c'est-à-dire qu'on peut aussi retrouver vos travaux à toutes deux, vos articles, et quand les thèses sont parues, en général, elles sont en ligne sur un site qu'on aime beaucoup en sciences humaines et sociales. C'est le site qui s'appelle HAL, H-A-L. C'est ce qu'on appelle la science ouverte. C'est l'idée que tous les chercheurs, quand ils soient débutants ou confirmés, partagent leurs travaux pour qu'ils soient accessibles à tous. Donc n'hésitez pas à aller regarder les travaux d'Amal Aboudaïa et de Nouria Alvarez sur HAL, H-A-L. C'est assez facile. Et je pense qu'on peut revenir, Marc, à Tim Ingold pour conclure l'émission. Oui. Merci, Nouria, et merci, Amal. Restez avec nous pour la fin. Alors, pour finir, on voulait faire une petite citation du livre « Au contact de l'art, Architecture Educates » dont Nicolas a parlé, qui est apparu cette année sur les éditions ESSA. Alors, dans cet ouvrage, Tim Ingold fait toute une critique il passe par les acronymes, de toute une comment l'éducation a été pensée par les politiciens, par les dirigeants d'industrie, par ceux qu'il appelle la génération now, la génération de maintenant, qui sont au pouvoir et qui définissent ce qui est important dans l'éducation. Où il prend l'acronyme STEM en anglais, Science and Technology and Mathematics. Et il fait une critique à la fois de STEM, mais aussi de STEAM, encore un acronyme, où on ajoute à ce STEM les sciences, la technologie, les mathématiques, l'art. Et dans l'art, il a le design, l'architecture, qui est une sorte de volet un peu humaniste, on pourrait dire, pour faire arrondir l'apprenti dans son éducation. Mais pour lui, en fait, l'art a une vocation beaucoup plus radicale, beaucoup plus révolutionnaire. On pourrait dire, il argumente pour un sort de fer révolutionnaire. Alors, je vais juste lire un petit bout du livre où il souligne cette thèse et la place de l'art dans ce qui, pour lui, est l'éducation. Qui n'est pas juste de recevoir de l'information, d'être formaté pour un monde qui est déjà en train d'être préfiguré par ce Generation Now des politiciens et des CEO, mais plutôt une éducation qui se fait à la fois par les jeunes et par les vieux. C'est tout un jeu de génération qui joue dessus. Ok. Alors c'est Tim, ici, qui parle. Moi, je voudrais soutenir que l'art, l'architecture et le design ont un rôle bien plus radical à jouer. Il s'agit alors de changer le sens et le but même de l'éducation. Et c'est là dans tous les domaines de l'étude, en passant par la livraison efficace des connaissances produites à des étudiants consommateurs, tristes. Alors, en passant de cette notion de livraison, d'information, un voyage de découverte sans fin dans lequel étudiants et étudiantes, enseignants et enseignantes sont embarqués ensemble, poussés non par une demande d'innovation dictée par le marché, mais par la passion pour la recherche de ce qui est réel et présent dans le monde. Loin uniquement d'ouvrir un espace dédié à l'expression subjective de soi, en parallèle et en complément de l'espace de transmission de connaissances objectives, il s'agit d'amener les étudiants, les étudiantes, à un dialogue soutenu avec le monde lui-même, en leur offrant la possibilité de s'occuper des choses et des êtres qui s'y trouvent, de répondre à leur présence et d'explorer les conditions de coexistence. Au lieu d'éduquer les étudiants, les étudiantes, sur les thématiques artistiques, incluant ici l'architecture et le design, ce sont les pratiques artistiques elles-mêmes qui éduquent. Ça, c'est le cœur de son argument. C'est les pratiques, c'est l'apprentissage des pratiques, la négociation avec les matériaux, avec les outils, que Mamal nous a dit, qui est au centre de ce que c'est une éducation. Elles le font en ouvrant un chemin, ou en montrant la voie, en guidant l'attention vers des aspects du monde qui seraient dignes d'être étudiés de plus près. Il s'agit de retrouver le sens même de la correspondance, c'est la notion très clé de Ingold, d'accompagner les choses et d'apprendre d'elles, tout ce qui est répudié par la logique acronymique. Cette dernière, comme nous l'avons vu, nous a coupé des sujets dont nous parlons, favorisant une attitude à la fois désengagée et manipulatrice, incarnée par le mot « smart ». Il fait toute une diatribe contre ce mot « smart ». En revanche, les pratiques artistiques favorisent précisément l'attitude inverse, une attention, une sensibilité et un soin continu. Et là, on va finir avec une